Troisième discours, troisième partie. Le combat moral et intellectuel se termina de la même manière que le combat politique. Après le sac de Rome, l'idolâtrie accusa les fidèles d'être la cause de toutes les calamités publiques, accusation qu'elle avait souvent reproduite et qu'elle renouvelait à sa dernière heure. Des chrétiens faibles joignaient leur voix à celle des païens et disaient « Pierre, Paul, Laurent sont enterrés à Rome, et cependant Rome est saccagée. » Pour réfuter cet argument rebattu, saint Augustin composa le grand ouvrage de la Cité de Dieu. Son but, en relevant la beauté, la vérité et la sainteté du christianisme, est de prouver que les Romains n'ont dû leur perte qu'à la corruption de leurs mœurs et à la fausseté de leur religion. Il les poursuit, leur histoire à la main. Vous dites, proverbialement, « Il ne pleut pas, les chrétiens en sont la cause ». Vous oubliez donc les fléaux qui ont désolé l'Empire avant qu'il se soumît à la foi. Vous vous confiez en vos dieux, quand vous ont-ils protégé? Les barbares, respectant le nom de Jésus-Christ, ont épargné tout ce qui s'était réfugié dans les églises de Rome. Les guerres des païens n'offrent pas un seul exemple de cette nature. Les temples n'ont jamais sauvé personne. Au temps de Marius, le pontife Mutius Scaevola fut tué au pied de l'autel de Vesta, asile réputé inviolable, et son sang éteignit presque le feu sacré. Rome idolâtre a plus souffert de ses discordes civiles que Rome chrétienne du fer d'ego. Sylla a fait mourir plus de sénateurs qu'Alaric n'en a dépouillé. La Providence établit les royaumes de la terre, la grandeur passée de l'Empire ne peut pas plus être attribuée à l'influence chimérique des astres qu'à la puissance des dieux impuissants. La théologie naturelle des philosophes ne saurait être opposée à son tour à la théologie divine des chrétiens, car elle s'est souvent trompée. L'école italique que fonda Pythagore, l'école ionique que Thalès institua, sont tombées dans des erreurs capitales. Thalès, appliqué à l'étude de la physique, eut pour disciple Anaximandre. Celui-ci instruisit Anaximène, qui fut maître d'Anaxagore et Anaxagore de Socrate, lequel rapporta toute la philosophie aux mœurs. Platon vint après Socrate et s'approcha beaucoup des vérités de la foi. Mais comment est-il que les chrétiens, tout en prétendant n'adorer qu'un seul Dieu, élèvent des temples aux martyrs? Le fait n'est point exact. Notre respect pour les sépulcres des confesseurs est un hommage rendu à des hommes témoins de la vérité jusqu'à mourir. Mais qui jamais entendit un prêtre officiant à l'autel de Dieu sur les cendres d'un martyr prononcer ces mots « Pierre, Paul et Cyprien, je vous offre ce sacrifice ». Les païens se glorifient des prodiges opérés par leur religion. Tarquin coupe une pierre avec le rasoir. Un serpent d'Épidore suit Esculape jusqu'à Rome. Une vestale tire une galère avec sa ceinture. Une autre puise de l'eau dans un crible. Sont-ce là des merveilles à comparer aux miracles de l'Écriture? Le Jourdain, suspendant son cours, laisse passer les Hébreux. Les murs de Jéricho tombent devant l'Arche Sainte. Ah, ne nous attachons point à la cité de la terre, tournons nos pas vers la cité du ciel qui prit naissance avant la création du monde visible. Les anges sont les premiers habitants de cette cité divine. Ils tiennent du ciel et de la lumière, car au commencement Dieu fit le ciel et il dit « Que la lumière soit faite ». Dieu ne créa qu'un seul homme, nous étions tous dans cet homme. Il répandit en lui une âme douée d'intelligence et de raison, soit qu'il eût déjà créé cette âme auparavant, soit qu'il la communiqua en soufflant contre la face de l'homme dont le corps n'était que limon. Il donna à l'homme une femme pour se reproduire, mais comme toute la race humaine devait venir de l'homme, Ève fut formée de l'os, de la chair et du sang d'Adam. L'homme à qui le Seigneur avait dit « Le jour que vous mangerez du fruit défendu, vous mourrez », mangea du fruit défendu et mourut. La mort est la peine attachée au péché. Mais si le péché est effacé par le baptême, pourquoi l'homme meurt-il à présent? Il meurt afin que la foi, l'espérance et la vertu ne soient pas détruites. Deux amours ont bâti les deux cités. L'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a élevé la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a édifié la cité céleste. Caïn, citoyen de la cité terrestre, bâtit une ville, Abel n'en bâtit point. Il était citoyen de la cité du ciel et étranger ici-bas. Les deux cités peuvent s'unir par le mariage des enfants des saints avec les filles des hommes à cause de leur beauté, La beauté est un bien qui nous vient de Dieu. Les deux cités se meuvent ensemble. La cité terrestre, depuis les jours d'Abraham, a produit les deux grands empires des Assyriens et des Romains. La cité céleste arrive par le même Abraham, de David à Jésus-Christ. Il est venu des lettres de cette cité sainte dont nous sommes maintenant exilés. Ces lettres sont les Écritures. Le roi de la cité céleste est descendu en personne sur la terre pour être notre chemin et notre guide. Le souverain bien est la vie éternelle, il n'est pas de ce monde. Le souverain mal est la mort éternelle, ou la séparation d'avec Dieu. La possession des félicités temporelles est une fausse béatitude, une grande infirmité. Le juste vit de la foi. Lorsque les deux cités seront parvenues à leur fin au moyen du Christ, il y aura pour les pécheurs des supplices éternels. La peine de mort, sous la loi humaine, ne consiste pas seulement dans la minute employée à l'exécution du criminel, mais dans l'acte qui l'enlève à l'existence. Le juge éternel retranche le coupable de la vivante éternité, comme le juge temporel retranche le coupable du temps vivant. L'éternel peut-il prononcer autre chose que des arrêts éternels ? Par la même raison, le bonheur des justes sera sans terme. L'âme, toutefois, ne perdra pas la mémoire de ses maux passés. Si elle ne se souvenait plus de son ancienne misère, si même elle ne connaissait pas la misère impérissable de ceux qui auront péri, comment chanterait-elle sans fin les miséricordes de Dieu, ainsi que nous l'apprend le psalmiste ? Dans la cité divine, cette parole sera accomplie. « Demeurez en repos, reconnaissez que je suis Dieu », c'est-à-dire qu'on y jouira de ce sabbat, de ce long jour qui n'aura point de soir et où nous reposerons en Dieu. Cet ouvrage du Platon chrétien est empreint de la mélancolie la plus profonde. On y sent une âme tendre, inquiète, regrettant peut-être des illusions et dont les vagues sentiments passent à travers un esprit abstrait et une imagination mystique. Celui qui, jeune encore, s'était confessé avec tant de charme d'avoir demandé la pureté, mais pas trop tôt, d'avoir désiré d'aimer, celui qui avait dit « Lorsque vous m'aurez connu tel que je suis, priez pour moi », le père d'Adéoda répand sur les pages échappées à sa vieillesse ce dégoût de la terre, bonheur des saints et partage des infortunés. Le spectacle des calamités publiques contribuait sans doute à attrister le génie d'Augustin. Quel temps pour écrire que les années qui séparent Alaric de Genséric, second destructeur de Rome et de Carthage, que les années qui s'écoulèrent entre le sac de la ville éternelle par les Goths et le sac d'Hippone par les Vandales. Volusien, homme d'une famille puissante à Carthage, avait mandé à saint Augustin qu'un de ses amis manifestait le désir de trouver un chrétien capable de résoudre certaines difficultés relatives au nouveau culte. Saint Augustin, dans une réponse affable et polie, lui envoie une sorte d'abrégé de la cité de Dieu. Le même père entretient une correspondance avec la population païenne de Madore. « Réveillez-vous, peuple de Madore, mes parents, mes frères, puisse le vrai Dieu vous convertir à la foi, vous délivrer des vanités de ce monde. » Un évêque, un controversiste ardent, saint Augustin, appelle des idolâtres ses parents, ses frères. Quelques années auparavant, il avait eu un commerce de lettres avec Maxime, grammairien dans cette même ville de Madore. Maxime l'avait prié de laisser de côté son éloquence et les subtils arguments de Chrysippe pour lui dire quel était le Dieu des chrétiens. « Et à présent, homme excellent, qui a abandonné ma communion, cette lettre sera jetée au feu ou détruite d'une autre manière. S'il en est ainsi, un peu de papier périra, mais non ma doctrine. » Puissent les dieux te conserver, les dieux par qui les peuples de la terre adorent en mille manières différentes, dans un harmonieux discord, le Père commun de ces dieux et des hommes. Voici le païen qui appelle à son tour les bénédictions du ciel sur la tête d'un chrétien. Longinien écrit ces mots à saint Augustin, « Seigneur et honoré Père, quant au Christ en qui tu crois, et l'Esprit de Dieu par qui tu espères aller dans le sein du vrai, du souverain, du bienheureux auteur de toutes choses, je n'ose ni ne puis exprimer ce que je pense. Il est difficile à un homme de définir ce qu'il ne comprend pas, mais tu es digne du respect que je porte à tes vertus. » Saint Augustin répond, « J'aime ta circonspection à ne rien nier, à ne rien affirmer, touchant le Christ. C'est une louable réserve dans un païen. l'illustre évêque d'Hippode expira à 76 ans dans sa ville épiscopale assiégée, en plein exercice des devoirs d'un pasteur courageux et charitable. Il mourut, dit l'élégant auteur que vous aimerez encore à retrouver, il mourut les yeux attachés sur cette cité céleste dont il avait écrit la merveilleuse histoire. Mais, avant ces lettres d'Augustin, on trouve peut-être un monument encore plus extraordinaire de la tolérance religieuse entre des esprits supérieurs. Ce sont les lettres de saint Basile à Libanius et de Libanius à saint Basile. Le sophiste païen avait été le maître du docteur chrétien à Constantinople. « Quand vous fûtes retourné dans votre pays, écrit Libanius à Basile, je me disais, que fait maintenant Basile? Plaide-t-il au barreau? Enseigne-t-il l'éloquence? J'ai appris que vous aviez suivi une meilleure voie, que vous ne vous étiez occupé qu'à plaire à Dieu, et j'ai envié votre bonheur. » Basile envoie de jeunes Cappadociens à l'école de Libanius sans crainte de les infecter du venin de l'idolâtrie. « Il suffira, lui mande-t-il, qu'avant l'âge de l'expérience, ces jeunes gens soient comptés parmi vos disciples. » »« Basile est mon ami, s'écrit Libanius dans une autre lettre. Basile est mon vainqueur, et j'en suis ravi de joie. » »« Je tiens votre harangue, dit Basile, je l'ai admiré. Ô muse, ô Athènes, que de choses vous enseignez à vos élèves. » Est-ce bien l'ennemi de Julien, l'ami de Grégoire de Nazianze, le fondateur de la vie cénobitique? Est-ce bien l'ardent sectateur de Julien, le violent adversaire des moines, l'orateur qui défendait les temples? Sont-ce bien ces deux hommes qui ont ensemble un pareil commerce de lettres? Synésius, de la colonie lacédémonienne, fondée en Afrique dans la Cyrénaïque, descendait d'Eurysthène, premier roi de Sparte de la race dorique. Il était philosophe. Comme saint Augustin dans sa jeunesse, il partageait ses jours entre la lecture et la chasse. Le peuple de Ptolémaïde, en Libye, le demande pour évêque. Synésius déclare qu'il ne se reconnaît point la pureté de mœurs nécessaire à un si saint état. Que Dieu lui a donné une femme, qu'il ne veut ni la quitter ni s'approcher d'elle furtivement comme un adultère, qu'il souhaite avoir un grand nombre d'enfants, beaux et vertueux. Il ajoutait, « Je ne dirai jamais que l'âme soit créée après le corps. Je ne croirai jamais que le monde doit périr en tout ou en partie. » La résurrection me paraît une chose fort mystérieuse, et je ne me rends point aux opinions du vulgaire. » On lui laissa sa femme et ses opinions, et on le fit évêque. Quand il fut ordonné, il ne put pendant 7 mois se résoudre à vivre au milieu de son troupeau. Il pensait que sa charge était incompatible avec sa philosophie. Il voulait s'expatrier et passer en Grèce. On lui laissa sa philosophie, et il resta à Ptolémaïde. Synésius avait été disciple d'Hypatia à Alexandrie. Les lettres qu'il lui écrit sont ainsi suscrites au philosophe Hypatia. Dans une de ses lettres, et il était alors évêque, il l'appelle sa mère, sa sœur, sa maîtresse. Il lui trouve une âme très divine. Il félicite Herculien de lui avoir fait connaître cette femme extraordinaire qui révèle les mystères de la vraie philosophie. Ses relations paisibles s'entretenaient dans un coin du monde, l'an 410 de Jésus-Christ, l'année même qui vit entrer Alaric dans la ville éternelle. 5 ans auparavant, les Massètes et d'autres peuples barbares avaient assiégé Cyrène. La main de Dieu se montrait dans la nue. Sous cette main, les siècles, les empires, les monuments s'abîmaient, et les hommes poursuivaient le cours ordinaire de leur destinée. En ce temps-là, il y avait beaucoup de vie, parce qu'il y avait beaucoup de morts. Il n'est pas jusqu'au poète des deux cultes qui ne gémisse de ne pouvoir chanter aux mêmes fontaines et sur la même montagne. Aux aunes de la religion d'Homère, écrite à Paulin de la religion du Christ, muse, divinité de la Grèce, entendez cette prière. Rendez un poète aux muses du Latium. Le poète de la Croix répond, « Pourquoi rappelles-tu en ma faveur les muses que j'ai répudiées? Un plus grand Dieu subjugue mon âme. Rien ne t'arrachera de ma mémoire. Cette âme ne peut t'oublier puisqu'elle ne peut mourir. » Le temps, comme vous le voyez, avait usé la violence des parties. Les hommes supérieurs, le moment de l'action passée, ne tardent pas à s'entendre. Il est, entre ces hommes, une paix naturelle qu'on pourrait appeler la paix des talents, semblable à cette paix de Dieu qu'une religion commune établissait entre les vaillants et les forts. Aussi, vers la fin du IVe siècle, et dans les deux siècles suivants, la tendance que les philosophes des deux religions ont à se rapprocher est visible. La haine a disparu, il ne reste que les regrets. Les contentions n'existent plus que parmi les chrétiens des différentes sectes. Néanmoins, quelques caractères rigides, instruits aux rudes enseignements apostoliques, désapprouvaient ces ménagements. Ils condamnaient orateurs et poètes et méprisaient la délicatesse du langage. Saint Jérôme confesse avec larmes son penchant pour les auteurs profanes. Il expie d'avance par le jeûne, les veilles et les prières, la lecture qu'il se prépare à faire de Cicéron et de Platon. Ruffin accuse Jérôme d'un crime énorme, d'avoir occupé certains religieux du mont des Olives à copier les dialogues de Cicéron et d'avoir, dans sa grotte de Bethléem, expliqué Virgile à des enfants chrétiens. Les philosophes, après le règne de Julien, avaient cessé de se distinguer de la foule par les habits et les mœurs, mais la suite des doctrines et la succession des maîtres se prolongèrent bien au-delà du règne de l'apostat. Dans le 5e et dans le 6e siècle, les chaires publiques à Athènes étaient encore occupées par des païens. Cyranius fut le prédécesseur de Proclus, qui transmit le doctorat à Marinus, converti du judaïsme samaritain à l'hellénisme. Proclus était auteur d'un double commentaire sur Homère et sur Hésiode, de deux livres de théurgie, de 4 livres sur la République de Platon, de 10 livres sur les oracles, de plusieurs autres traités et de 18 arguments contre les chrétiens, réfutés par Philoponos. Marinus nous a laissé la biographie de son maître. Alors un saint écrivait la vie d'un saint, un philosophe la vie d'un philosophe. Ils se partageaient la gloire du ciel et de la terre. Marinus attribue à Proclus une vertu surnaturelle de bienfaisance. Il en apporte en preuve la guérison miraculeuse de la jeune Asclépigénie, fille d'Archiade et de Plutarchat. Il remarque que la maison de Proclus touchait au temple d'Esculape, car, dit-il, Athènes était encore assez heureuse pour conserver dans son entier le temple du Sauveur. Platon était pauvre, c'est toujours Marinus qui parle. Il n'avait qu'un jardin dans l'enceinte de l'Académie et un revenu de la valeur de 3 pièces d'or. Mais du temps de Proclus, le revenu de l'Académie s'élevait à plus de 1000. Marinus nous donne encore l'époque certaine de la perte de la fameuse statue de Phidias, la Minerve du Parthénon. Échappée aux ravages des Goths, elle n'échappa point à ceux des chrétiens. Minerve, dit-il, manifesta le grand attachement qu'elle avait pour Proclus quand la statue de cette déesse, qui jusqu'alors était restée au Parthénon, fut enlevée par ceux qui touchent aux choses qui ne devraient pas être touchées. Quand donc Minerve eut été chassée de son temple, une femme, d'une beauté exquise, apparut en songe à Proclus. Elle lui demanda de parer ses foyers en lui disant « Minerve veut habiter et dormir avec toi ». Marinus date la mort de Proclus de l'an 124 à partir de celle de Julien. C'était une ère à l'usage des regrets et de la reconnaissance philosophique. Les chrétiens comptaient ainsi de l'époque des martyrs. Plus tard encore, vers l'an 550, nous trouvons Damascius le stoïcien lié d'amitié avec Simplicius et Eulanius. L'aventure de ces derniers philosophes du monde romain mérite d'être racontée. Damascius de Syrie, Simplicius de Cilicie, Eulanius de Phrygie, Hermias et Diogène de Phénicie, Isidore de Gaza, accablés du triomphe de la croix, résolurent de s'expatrier et d'aller vivre chez les Perses. Arrivés dans la contrée des mages, ils trouvèrent que le roi n'était pas un philosophe, que les nobles étaient pleins d'orgueil, que le peuple rusé et voleur ne valait pas mieux que le peuple romain. Ils furent surtout révoltés du spectacle de la polygamie, impuissante même à prévenir l'adultère. Ils se repentirent et désirèrent rentrer dans leur pays. Cosroès, qui négociait alors un traité avec la cour de Constantinople, y fit généreusement insérer une clause en faveur de ses hôtes. On ne les inquiéta point à leur retour, et ils jouirent en paix à leur foyer de la liberté de conscience. Dans cette agonie d'une société prête à passer, l'assimilation du langage, d'idées et de mœurs était presque complète entre les hommes supérieurs des deux religions. Mêmes principes de morale, mêmes expressions de salut, de grâce divine, mêmes invocations au Dieu unique, éternel, au Dieu sauveur. Quand on lit Synésius et Marinus, Fulgence et Damascius, et les autres écrivains religieux et moraux de cette époque, on aurait peine à déterminer la croyance à laquelle ils appartiennent si les uns ne s'appuyaient de l'autorité homérique, les autres de l'autorité biblique. Boès, dans l'Occident, Simplicius, dans l'Orient, terminèrent cette série des beaux génies qui s'étaient placés entre le ciel et la terre. Ils virent entrer la solitude dans les écoles où le christianisme avait été nourri et dont il chassa l'auditoire. Ils fermèrent avec honneur les portes du lycée et de l'académie des sages. Justinien supprima les écoles d'Athènes 44 ans après la mort de Proclus. Boëthée, chrétien et persécuté, était un philosophe. Simplicius, philosophe et heureux, avait le caractère d'un chrétien. « Ô Seigneur, dit-il, dans la prière qui termine son commentaire de l'Enchiridion d'Épictète, « Ô Seigneur, Père, auteur et guide de notre raison, permets que nous n'oublions jamais la dignité dont tu décoras notre nature. Fais que nous agissions comme des êtres libres. Que purifiés de toute passion déréglée, nous sachions, si elle s'élève, les combattre et les gouverner. » Guidés par la lumière de la vérité, que notre jugement nous attache aux choses véritablement bonnes, je te supplie, ô mon Sauveur, de dissiper les ténèbres qui couvrent les yeux de nos âmes, afin que nous puissions, comme le dit Homère, distinguer et l'homme et Dieu. Boès, enfermé dans un cachot à Tixinum, Pavie, se plaint du changement de sa fortune et des malheurs de sa vieillesse. Les muses l'environnent dans des vêtements de deuil. Tout à coup, une femme majestueuse se montre à lui. Ses regards sont perçants, ses couleurs brillantes. Elle est jeune, et pourtant on voit que sa naissance a précédé celle des hommes du siècle. Tantôt, elle ne paraît pas s'élever au-dessus de la taille commune. Tantôt, son front touche au nu et se cache au regard des mortels. Un tissu d'une matière incorruptible forme sa robe. L'éclat de cette robe est légèrement adouci par une espèce de teinte semblable à celle que le temps répand sur les vieux tableaux. Cette femme tient un livre dans sa main droite, un sceptre dans sa main gauche. Dès qu'elle aperçoit les muses dictant des vers à la douleur de Boès, elle chasse ses courtisanes qui, loin de fermer les blessures, les tiennent ouvertes avec un poison subtil. Ensuite, elle s'assied sur le lit du prisonnier et lui adresse ces paroles. « Est-ce donc toi que j'ai nourri de mon lait, que j'ai élevé avec un si tendre soin, toi dont j'avais fortifié l'esprit et le cœur, tu te serais laissé vaincre à l'adversité? Me reconnais-tu? Tu gardes le silence. » La divinité essuie avec un pan de sa robe les larmes qui roulent dans les yeux de Boès. Aussitôt, il reconnaît la mère féconde des vertus, son amie céleste, la philosophie. Elle donne ses dernières leçons à son élève. Elle lui répète que le souverain bien ne se trouve qu'en Dieu. Et comme Simplicius, la philosophie, ou plutôt Boès, s'écrie « Être infini, source de tous les biens, Dieu sauveur, élevez nos âmes jusqu'au séjour que vous habitez. Répandez sur nous cette lumière qui seule peut donner à nos yeux la force de vous contempler. » Y a-t-il rien de plus beau et en même temps de plus semblable que ces derniers accents de Simplicius et de Boès? À cette époque, le christianisme était philosophique. Il rétrograda, il devint monacal par l'ignorance et les malheurs répandus sur la terre. C'est précisément ce qui fit sa force. Le temps de la barbarie couva les germes de la société moderne et son incubation fut d'une énergie prodigieuse. Le christianisme, philosophique trop tôt à la suite d'une vieille civilisation qui n'était pas née de lui, se serait épuisé. Il fallait qu'il traversât des siècles de ténèbres, qu'il fût lui-même l'auteur de la civilisation nouvelle pour arriver à son âge philosophique naturel, âge qu'il atteint aujourd'hui. Entre Platon et saint Augustin, entre Socrate et Boès, s'accomplit une des grandes périodes de l'histoire de l'esprit humain. Les maîtres de la sapience païenne remirent, en se retirant, le style et les tablettes aux maîtres de la science évangélique. Le principe de la philosophie ne périt point, parce qu'aucun principe ne se détruit, parce que la philosophie est à la fois la langue de l'esprit et la haute région où l'âme habite à part de son enveloppe. La théologie s'assit sur les bancs que la philosophie abandonnait et la continua. Les systèmes d'Aristote et de Platon, la forme et l'idée, divisèrent toujours les intelligences, jusqu'au moment où les ouvrages du Stagirite, rapportés à l'Europe par les Arabes, renouvelèrent la doctrine des péripatéticiens et enfantèrent la scolastique. La branche gourmande du christianisme, l'hérésie, qui ne cessa de pousser avec vigueur, reproduisit de son côté le fruit philosophique dont le germe l'avait fait naître. En lisant le récit de la spoliation des temples sous le règne de Théodose, vous aurez cru assister à la destruction des églises perpétrée de nos jours. Mais l'écroulement de nos églises n'a point amené la chute de la religion du Christ, tandis que la religion de Jupiter, ruinée d'ailleurs, disparut avec ses temples. La vérité ne tient point à une pierre, elle subsiste indépendamment d'un autel. L'erreur ne peut vivre si elle n'est enfoncée dans les ténèbres d'un sanctuaire. Le christianisme, au temps de Théodose et de ses fils, se trouvait prêt à remplacer le paganisme. Le christianisme n'a point d'héritier dans notre siècle. La philosophie humaine qui se présenterait pour succéder à la foi, ainsi qu'elle s'offrit pour tenir lieu de l'idolâtrie, qu'aurait-elle à nous donner ? Une théurgie, qui l'admettrait ? Et cette théurgie, que cacherait-elle sous ses voiles, sinon ces mêmes vérités de l'essence divine que les enseignements publics de l'Église ont mises à la portée du vulgaire ? Les mystères des initiations sont révélés à la foule dans le symbole que répète aujourd'hui l'enfant du peuple. Si l'on imaginait d'établir autre chose que les vérités reçues de la foi, le panthéisme, par exemple, le pourrait-on ? Le christianisme est la synthèse de l'idée religieuse. Il en a réuni les rayons. Le panthéisme est l'analyse de la même idée. Il en disperse les éléments. Chacun aura-t-il à ses foyers une petite fraction de la vérité divine dont il se fera un dieu pour sa consommation particulière ? Les pénates, les fétiches, les manitous, les énones, les génies ressusciteraient-ils ? L'idolâtrie reviendrait-elle encore une fois par cette route fausser la société ? Y aurait-il autant d'autels que de familles ? Autant de prêtres, de cérémonies, de rites, que d'imagination pour les inventer ? La pluralité des religions privées remplacerait-elle l'unité de la religion publique ? Aurait-elle le même effet sur l'homme ? Quel chaos que le mouvement et l'exercice de ces cultes infinis et divers ! Toutes les bizarreries, tous les désordres d'esprit et de mœurs qui ont décrédité les sectes philosophiques et les hérésies revivraient. Toutes les aberrations sur la nature de Dieu renaîtrait. Qu'est-il ce Dieu ? Est-il éternel ? A-t-il créé la matière ? Existe-t-il à part auprès d'elle ? Est-il d'une source d'où sortent et où rentrent les intelligences ? La matière même existe-t-elle ? L'univers est-il en nous, hors de nous ? Qu'est-ce que l'esprit ? Effet ou cause ? Ira-t-on jusqu'à supposer dans un nouveau système que Dieu n'est pas encore complet, qu'il se forme chaque jour par la réunion des âmes dégagées des corps ? De sorte que ce ne serait plus Dieu qui aurait formé l'homme, mais les hommes qui seraient les créateurs de Dieu ? Et comment revêtirez-vous d'une forme sacrée pour remplacer la forme chrétienne, ces allégories, ces mythes, ces rêveries, ces vapeurs des esprits défectueux, nébuleux et vagues, qui cherchent la religion et qui n'en veulent pas ? Le mysticisme, l'éclectisme ou le choix des vérités dans chaque système peuvent-ils devenir un culte ? Ces vérités sont-elles évidentes et tous les esprits consentent-ils aux mêmes abstractions métaphysiques ? Enfin, tout système philosophique, en s'implantant dans les ruines du christianisme, ne trouverait plus pour véhicule populaire le moyen qui se rencontra autrefois, la prédication de la morale universelle. L'Évangile eut à développer ces grands principes de liberté et d'égalité qui, connus de quelques génies privilégiés, était ignoré des nations et combattu par les lois. Aujourd'hui, l'ouvrage est accompli. La philosophie peut recommander une réforme, mais elle n'a aucun enseignement nouveau à propager. Comment alors, sans la ressource d'une morale à établir, déterminerez-vous les hommes à changer les mystères chrétiens contre d'autres mystères aussi difficiles à comprendre ? Ces choses étant impossibles, on aperçoit réellement derrière le christianisme que la société matérielle. Société bien ordonnée, bien réglée, jusqu'à un certain point exempte de crimes, mais aussi bien bornée, bien enfantine, bien circonscrite, au sens poli et hébété. Lorsque dans la société matérielle, on pousserait les découvertes physiques et les inventions des machines jusqu'au miracle, cela ne produirait que le genre de perfectionnement dont la machine même est susceptible. L'homme privé de ses facultés divines est indigent et triste. Il perd la plus riche moitié de son être. Borné à son corps, qu'il ne peut ni rajeunir ni faire vivre, il se dégrade dans l'échelle de l'intelligence. Nous deviendrions, par l'absence de religion, des espèces d'Indiens ou de Chinois, la Chine et l'Inde, l'une par le matérialisme, l'autre par une philosophie pétrifiée, sont de véritables nations momies. Assises depuis des milliers de siècles, elles ont perdu l'usage du mouvement et la faculté de progression, semblables à ces idoles muettes et accroupies, à ces sphinx couchés et silencieux qui gardent encore le désert dans la Thébaïde. Religieusement parlant, on est obligé de conclure de ces investigations impartiales qu'il n'y a rien après le christianisme. Mais si le christianisme tombe comme toute institution que l'homme a touchée et à laquelle il a communiqué la défaillance de sa nature, si le temps de cette religion est accompli, qu'y faire ? Le mal est sans remède ? Je ne le pense pas. Le christianisme intellectuel, philosophique et moral a ses racines dans le ciel et ne peut périr. Quant à ses relations avec la terre, il n'attend pour se renouveler qu'un grand génie. On aperçoit très bien aujourd'hui la possibilité de la fusion des diverses sectes dans l'unité catholique. Mais la première condition pour arriver à la recomposition de l'unité, c'est l'affranchissement complet des cultes. Tant que la religion catholique sera une religion soldée, dépendante de l'autorité politique et de la forme variable des gouvernements, tant qu'elle continuera d'être gênée dans ses mouvements, entravée dans ses assemblées particulières et générales, contaminée dans ses chaires et ses écoles par l'argent du fisc, en un mot, tant qu'elle ne retournera pas aux pieds et à la liberté de la croix, elle languira dégénérée. Le tableau de la chute du polythéisme et de la destruction des écoles philosophiques aurait été mal aperçu s'il s'était déroulé lentement dans l'ordre chronologique du récit. Le triomphe complet de la religion chrétienne sous le règne de Théodose indiquait la place où ce tableau devait être exposé. Reprenons la suite des faits politiques et militaires. Fin du troisième discours.